Chapitre 17e, Ayamaki a disparu. Tous ces renseignements que nous connaissons sur le comte de Saint-Rion, sa venue en Amérique, sa situation à l'usine, Paulin Broquet les avait obtenus des sources les plus sûres. On lui fournit des preuves que le comte de Saint-Rion était bien le comte de Saint-Rion. « Oui, se dit-il, mais on ne sait pas ici qui est en vérité ce comte de Saint-Rion, car on me semble ici parfaitement l'ignorer, lui. Oui, oui, on ne le connaît pas. Oh, pas tout le monde, car Fuzzi sait. » Toutefois, il ne crut pas, avant d'avoir recueilli d'autres renseignements plus précis, devoir donner une indication quelconque à ses hommes, ses seconds de Paris. Il se contenta de leur écrire « Surveillez de près l'affaire des diamants de la chanteuse et suivez attentivement les débats du procès qui va s'ouvrir au sujet de l'assassinat de la tilleuse. » Lui, il poursuivait son enquête à San Francisco, mais tout en flairant quelque chose de douteux dans ce personnage bien connu dans les milieux d'usines d'Amérique, il ne parvenait pas à trouver la fissure dans la vie de l'homme, la moindre indication pouvant le mettre sur la voie. Et cependant, se disait-il, c'est lui, c'est bien lui. Plusieurs fois, sous divers prétextes, il avait envoyé Ayamaki étudier la maison de Fuzzi, surveiller les alentours du magasin chinois. Lui-même, et cela à l'insu du japonais, sans que celui-ci puisse en douter, le reconnaître sous ses déguisements, il suivit Ayamaki pour s'assurer de sa fidélité, de son habileté, et acquérir de son côté des renseignements qui viendraient corroborer les indications fournies par le Jap. Tout cela sans aucun avantage sérieux. Fuzzi se tenait toujours assis comme un Bouddha sur ses coussins. Sa maison ne cessait d'être pleine de clients divers. Mais jamais plus l'homme aux yeux ayant des lueurs vertes ne parut, et ni Paulin Broquet ni Ayamaki ne parvinrent à découvrir la porte secrète du magasin. Cependant, un soir que Paulin Broquet attendait, fumant sa cigarette dans le jardin entourant le bungalow blanc, il attendit vainement Ayamaki. Tsuru, la jeune femme du japonais, avait depuis longtemps déjà déposé ses sous, son fils, dans son berceau. Depuis longtemps déjà aussi, Darling, comme sa poupée vivante, ses sous, dormait dans son petit lit blanc, faisant rêve des parties de cheval, dans la grande prairie bleue du ciel avec des anges cow-boys ou japonais. Inquiète, Tsuru était allé d'abord interroger le grand Pugnose qui habitait non loin de leur demeure un petit appartement attenant à l'écurie de ses chevaux. Pugnose n'avait pu lui donner aucun renseignement sur cette absence prolongée de son mari. Mais Pugnose, qui lui dormait dès la chute du jour, ne se coucha pas et alluma sa pipe, prête à courir si on réclamait ses services. De plus en plus inquiète, au fur et à mesure que l'heure avançait, Tsuru se glissa doucement jusqu'au bungalow. Elle trouva Miss Hidden qui, près d'une croisée levée dans la pénombre, regardait vers le jardin, veillant sur son mari. Miss Hidden le devinait anxieux, mais comme Paulin Broquet ne lui avait pas parlé de cette expédition d'Ayamaki, elle ne pensait pas devoir intervenir et ajouter à l'inquiétude de son mari sa propre inquiétude. Dans l'encadrement de la porte, au-dessus de la véranda aux marches de marbre blanc, parut Tsuru. « Madame, » fit-elle d'une voix qui implorait, « tu peux entrer, Tsuru. » lui dit doucement Miss Hidden, « Approche, viens près de moi. » La japonaise avança lentement et s'assit sur le coussin que lui désignait Miss Hidden. « Parle, » lui demanda la femme rousse, « qu'as-tu à me dire? Confie-moi ton chagrin, ta peine, car je vois ton inquiétude. » « Madame, » dit Tsuru en essuyant les larmes qui coulaient grosses et brûlantes de ses yeux déjà rougis, « Madame, Ayamaki n'est pas rentré à la maison. » « Je m'en doutais, Tsuru, mais tout en t'alarmant, cela ne doit pas te causer encore une si grande inquiétude. Jamais Ayamaki n'a tant tardé à revenir au logis, ce que probablement il n'a jamais encore eu autant à faire qu'aujourd'hui. Ou bien, madame, jamais le malheur qui le frappe aujourd'hui ne l'avait déjà atteint. Il n'y a pas de malheur, Tsuru, il y a seulement un empêchement, un retard, quelque chose que tout à l'heure, un peu plus tard, Ayamaki nous révélera en riant de sa mésaventure. Tsuru secoua sa tête brune. Elle écoutait ce que lui disait Miss Hidden, pour la consoler, mais, bien qu'elle l'eût voulu, elle ne pouvait tenir pour réelles ses paroles. « Voyez, » dit Tsuru, « le maître aussi attend avec anxiété, donc Ayamaki court un danger. » Miss Hidden pesa sa main longue et blanche sur les cheveux noirs de la japonaise. Elle la caressa doucement comme on fait d'une enfant qui souffre. Elle essaya de lui donner encore quelques explications de ce retard, mais elle ne comptait plus maintenant que sur la douceur pour assurer la pauvre femme éplorée. Elle-même, Miss Hidden, partageait ses craintes. Paulin Broquet, las d'attendre, quitta le jardin et entra dans le salon. Il vit Tsuru au pied de Meseiden. « Rassurez-la, ma chère amie, » dit-il à sa femme. « Il ne peut rien être arrivé de fâcheux à Yamaki. Il est probable que ce que j'ai demandé à Yamaki de me rapporter n'était pas prêt. Yamaki aura attendu qu'on le finisse. D'ailleurs, je vais aller m'informer. » Meseiden se leva vivement. Elle souria pour l'imbroquer et lui dit « Bien, je vais aller avec vous. » Et se tournant vers Tsuru, « Tu vois, Tsuru, rassure-toi. Nous allons chercher ton mari. Toi, retourne auprès de ton Sesu qui peut s'éveiller et se mettre à pleurer s'il ne te voit pas à côté de son berceau. Dès que nous serons de retour, ou à Yamaki lui-même, ou nous, tu seras prévenu. » Lentement accablée, désolée, la japonaise sortit. Quand Meseiden la vit au loin, sûre qu'elle ne pouvait l'entendre, elle dit à Paulin Broquet « Non, mon ami, non. Malgré tout votre courage, vous ne devez pas aller à la Chinatown. J'y ai envoyé à Yamaki. À 7 heures, ou bien Yamaki a passé le couloir de l'oubli, ou bien il est en route pour revenir. Dans tous les cas, à moins d'un hasard improbable, vous ne le trouverez pas. Donc le mieux est de l'attendre. Cependant, je vous demande de rester. Au nom de notre amour, au nom de notre bonheur. » Meseiden parla si ardemment, si tendrement, mettant dans ses paroles non seulement tout son amour, mais aussi toutes ses craintes, que Paulin Broquet, la serrant dans ses bras, lui dit tendrement « Je n'irai pas à la Chinatown. » Mais il ajouta « Cependant, il faut que nous sachions ce qu'est devenu Ayemaki. Je ne suppose pas qu'il lui soit arrivé rien de terrible. » Il se mit à sourire, ajoutant « Savez-vous ce que je crois ? Je m'imagine que notre brave Ayemaki, en parcourant les rues de cette mystérieuse Chinatown, a eu la malchance de rencontrer le Chinois à la devanture duquel il avait chapardé quelque chose. Le jour, le hasard nous mit sur son chemin. C'est possible, et ce sera le meilleur pour lui. Vous savez qu'un Chinois volé d'une épingle reconnaîtrait son voleur 2000 ans après le vol, et reconnaîtrait son épingle. Ayamaki n'a pas pu s'échapper cette fois. Il est, comme on dit à Paris, il est au violon. Espérons que ce n'est que cela. Je vais m'en assurer tout de suite. » Paulin Broquet téléphona. Il s'était fait connaître des grands chefs de la police. Il obtint rapidement le renseignement qu'il demandait. Et son renseignement ne devait pas lui donner satisfaction. On n'avait pas arrêté de Japonais. Donc Ayamaki n'était pas au violon. Où Ayamaki se trouvait-il ?